coup sûr, de coup de gueule, en coup d'éclat. Tu me fais mourir à coup de sang, de coup de fusil, en coup d'état. Tu me fais mourir à coup de foudre, de coup de soleil, en coup de vent. Tu me fais mourir à coup de poing, en grand coup d'œil et de coup de main. Tu me fais mourir à coup d'aile, de coup de fil en courant d'air. Tu me fais mourir à coup de force, de coup d'essai, en coup de maître. De quai de gare, en crève-cœur, de ville en ville et d'heure en heure. De solitude en coup de cafard, de lassitude à coup d'espoir. Je ressuscite quand tu m'aimes, de petits mots en petits gestes. Je ressuscite à petits pas, sans faire de bruit, je viens vers toi. Je ressuscite à chaque fois que tu m'appelles de ta voix. Je ressuscitais malgré moi, j'ai oublié tous nos combats. Je ressuscite sous tes caresses et la tendresse, bordel, j'y crois. Je ressuscite, mais tout de même, viendrai mourir entre tes bras. De quai de gare en crève-cœur, de ville en ville et d'heure en heure. De solitude en coup de cafard, de lassitude à coup d'espoir. Je ressuscite sous tes caresses et la tendresse, bordel, j'y crois. Je ressuscite, mais tout de même, viendrai mourir entre tes bras.